auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François avec vous pour feuilleter le calendrier des esclavages et des libérations. Le 10 novembre 1483, en Allemagne, à Eisleben, naissance de Martin Luther, futur réformateur. 1539, France. Suite à la pression des compagnons imprimeurs, la municipalité de Lyon interdit le transfert des imprimeries sur Vienne. Ce transfert voulu par les patrons était motivé par le manque de combativité des ouvriers de Vienne. 1799, France. Fin de la révolution bourgeoise. Bonaparte réussit son coup d'État, le 18 Brumaire, et devient premier consul. 1799, Mexique. Début de la rébellion de Los Marquetes, appelée ainsi à cause des armes utilisées. Une lutte politique et sociale contre l'oppression coloniale. 1833, France. Lors d'un banquet à Givors, 150 mutualistes de Lyon, 20 de Saint-Chamond et 60 de Saint-Étienne s'unissent. Les rubaniers de Saint-Chamond et les passementiers de Saint-Étienne rejoignent les canuts de Lyon et ébauchent l'organisation des travailleurs sur la région. 1881, France. Début de l'anticolonialisme. La presse, c'est-à-dire l'intransigeant et la gauche, accusent Jules Ferry, président du Conseil, de complicité avec les milieux d'affaires qui ont préconisé l'intervention coloniale en Tunisie. Jules Ferry démissionne. 1912, Autriche. Grande manifestation à Vienne contre la guerre des Balkans. 1918, France. À Strasbourg, les soldats allemands révoltés sont accueillis avec enthousiasme. Les casernes élisent leur conseil. La révolution strasbourgeoise commence. D'autres villes élisent leur conseil. Face à ceux qui se déclarent pour le retour à la France, les conseils font coller des affiches. Ni allemand, ni français, ni neutre. C'est le drapeau rouge qui est vainqueur. Nous n'avons rien de commun avec les États capitalistes. Vive la social-démocratie internationale. Vive les conseils des ouvriers et des soldats. 1918, France, Strasbourg, je rappelle. 1947, France. Grande manifestation en Marseille contre la vie chère. L'électricité a augmenté de 30%. Le gaz de 52%. Les transports de 30%. Lors d'affrontements avec la police, 4 militants sont arrêtés. 1965, Chine. Début de la révolte culturelle, marquée par la parution d'un article à Shanghai à propos de la pièce historique « La destitution de Ai Jouei ». 1980, Pologne. La Cour suprême casse le jugement rendu le 24-10 par le tribunal de Varsovie et enregistre le syndicat Solidarité avec ses statuts dans leur texte original. 1982, Pologne. Manifestation dans plusieurs villes décidées par la direction clandestine de Solidarité. Mais la grève générale n'est guère suivie. Le primat de Pologne, Monseigneur Glemp, Monseigneur, vous rendez compte, en 1982, on disait encore Monseigneur, et en 2018, on dit encore Monseigneur. Monseigneur Glemp s'était déclaré hostile à cette grève avant de rencontrer le gouvernement pour fixer la date de la venue de Jean-Paul II en Pologne. 1983, France, manifestation de 25 000 mineurs du bassin de Lorraine pour l'avenir des mines.

Le 12 novembre 1837, au Canada, lors de la Révolution des Fils de la Liberté, les autorités coloniales britanniques interdisent tout rassemblement et tout défilé. 1848, France. La Constitution de la Deuxième République est promulguée, mais l'Assemblée a refusé d'y inscrire le droit au travail. Le droit au travail par 1597 voix contre 146. Vous entendez ça? En 1848 en France, la Constitution de la Deuxième République est promulguée, mais l'Assemblée a refusé d'y inscrire le droit au travail, par 1597 voix contre 146. Déjà à l'époque, les chômeurs étaient trahis. Déjà en 1848, il y avait des traîtres parmi les députés. 1918, Autriche. La République est proclamée. Des groupes de la gauche socialiste réclament une République basée sur les conseils ouvriers. 1919, Espagne. Fin du lockout décidé par la fédération patronale. Les bases du travail de la commission mixte sont signées. 1925, Tunisie. Les autorités coloniales organisent le procès d'Estouro communiste suivi de verdict, alors Destouro communiste, le néo-Destour et le parti communiste, entre guillemets bien sûr, suivi de verdict alors de 5 à 10 ans de bannissement. 1927, Allemagne, lockout général dans l'industrie du tabac touchant 130 000 travailleurs. 1933, Allemagne, premier défi du Troisième Reich au monde. Le lendemain du 15e anniversaire de l'armistice de 1918, Hitler décide que l'Allemagne quitterait la Société des Nations, qui constitue un premier essai de collaboration entre nations. Donc, en 1933, en Allemagne, premier défi du Troisième Reich au monde, le lendemain du 15e anniversaire de l'armistice de 1918, Hitler décide que l'Allemagne quittera la Société des Nations, qui constitue le premier essai de collaboration entre nations. 1935, Égypte. Manifestation devant la Maison du Peuple au Caire. C'est le point culminant des grèves et des protestations nationalistes, 1931-1935, contre la politique réactionnaire et la présence britannique. Politique réactionnaire et présence britannique, ça va ensemble. 1938, France. Retour des volontaires des brigades internationales d'Espagne. Le gouvernement publie, un train de décrets-loi qui doivent fermer la parenthèse du Front populaire. Ils seront appelés les décrets de misère. Donc, il s'agissait de fermer la parenthèse du Front populaire. C'était une parenthèse. Voilà, on ferme la parenthèse. Ben oui, bien sûr. Rien à voir avec 2018. Hein. Bien sûr que non. Ben non, 1938, 2018, c'est loin. 1947, France. Une foule immense se masse devant le palais de justice de Marseille. Elle envahit. Les CRS, d'anciens résistants, ne réagissent que symboliquement. Les CRS, d'anciens résistants, ne réagissent que symboliquement. Les 4 prisonniers de l'avant-veille sont libérés. La ville est en fête. 1981, Bolivie. Les mineurs de la seule mine rentable du pays à Huaninu déclenchent une grève malgré l'interdiction par le gouvernement putschiste de toute activité politique et syndicale. Les mineurs luttent pour l'amnistie des prisonniers politiques et pour une augmentation des salaires. Alors rappelons à propos du chômage qu'il y a actuellement en France, en 2018, 6 millions de chômeurs, et 6 millions de chômeurs, on a déjà connu ça à une certaine époque, c'était en 1932, en Allemagne. Et vous connaissez tout sa suite. Vous savez ce qui s'est passé. Les électeurs allemands ont mal voté en 1932, et ils ont encore plus mal voté en 1933. On a donc hérité de 12 ans de fascisme, 12 ans de nazisme, avec une guerre mondiale et 70 millions de morts. Voilà. Donc le chômage, c'est quelque chose de très, très, très dangereux. Faut que les gens qui jouent avec le chômage arrêtent de jouer avec le chômage. Faut qu'ils arrêtent, c'est urgent. Thank you. C'est une situation qui soulève un immense problème. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est un problème qui ne se réglera pas par le silence. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on va pas en parler ou que ça va rester dans un coin que le problème va pas exister. C'est-à-dire, vous vous retrouvez avec des milliers de mètres cubes de déchets radioactifs pour 10 000 ans. Même si vous voulez pas en parler, ils sont là. Même si ça vous ennuie d'y penser, ils rayonnent. Même si vous aimeriez bien que ça s'arrange, ça s'arrangera pas. En tout cas, ça peut pas s'arranger tout seul. Il faut des décisions politiques. C'est où les mettre quand il y en a trop. L'Agence nationale pour la gestion des déchets nucléaires a fait des projections. C'est-à-dire, si vous continuez comme ça, si vous prolongez la durée de vie des réacteurs, et ils font un constat et ils disent, vous allez être submergés par les déchets parce qu'on ne sait plus où les mettre. Et la première des décisions, c'est d'arrêter. D'arrêter d'en produire, donc d'arrêter de prolonger la durée de vie des centrales nucléaires, arrêter d'importer un uranium qui est plein de sang, qui est celui de tous les pays où nous surveillons les mines de près de manière armée. Comme vous le savez tous, je fais mise un peu pour ne pas montrer du doigt tel ou tel en Afrique. Voilà. Donc, dans ces conditions, il faut arrêter. Et évidemment, en même temps, parce qu'on ne va pas faire autrement que ça, déclencher une accélération du processus des énergies alternatives, ce qui est parfaitement possible. Donc, conclusion de cette séquence, nous allons vers une situation que plus personne n'arrivera à gérer par des gens qui savent ce qui va se passer et par des gens qui savent qu'on pourrait faire autrement, mais qui ne s'en soucient pas parce que leur intérêt immédiat, à court terme, soit leur intérêt financier, soit leur intérêt de carrière, soit leur intérêt électoral, leur interdit de prendre les décisions qu'il faudrait prendre dans le cas de l'intérêt général. L'intérêt général exige la sortie du nucléaire, 1000 intérêts particuliers exigent qu'on continue, et pour l'instant, ce sont les intérêts particuliers qui l'emportent. Faisant de la France, avec ses 58 réacteurs, le pays le plus nucléarisé au monde. Mais partout sur la planète, des centrales ferment et des pays de plus en plus nombreux décident de sortir du nucléaire. Pourtant, EDF poursuit sa politique et mise sa survie sur un nouveau réacteur, l'EPR, qui accumule les échecs en Finlande et en France, à Flamanville. EDF promet aux Français une électricité bon marché. Mais le coût réel du nucléaire se chiffre aujourd'hui en dizaines de milliards d'euros. Si autant de pays abandonnent le nucléaire, ce n'est pas pour des raisons idéologiques ou politiques. C'est que le coût des énergies renouvelables baisse, tandis que celui du nucléaire augmente. Confrontés à un nucléaire de plus en plus cher, les investisseurs privés qui ne bénéficient pas de l'aide d'un État se retirent de ce marché. La leçon de ces dernières années, c'est que les gens qui investissent dans la construction d'une centrale nucléaire s'en sortent généralement très très mal. Le monde est jonché de fournisseurs et développeurs de nucléaire en faillite, ou presque en faillite. Ce déclin s'est traduit au niveau mondial par le fait que le premier pays, les États-Unis, déjà commence à arrêter certaines centrales existantes pour des raisons économiques, et aussi pour des raisons de sûreté, c'est-à-dire le coût qu'il faudrait payer pour améliorer la sûreté. Il y a des réacteurs qui sont en construction, qui prennent du retard, qui sont de plus en plus chers, et il y en a certains qui, même en construction, sont arrêtés. Si le nucléaire était soumis à l'économie de marché, vous ne verriez plus de nucléaire en France, ni en Europe, ni dans le monde. Bonsoir Montreux, ça va Montreux ? Paris ! N'importe quoi. Alors, vous savez quoi ? Chaque fois que je monte sur scène, je me rappelle quand je faisais mes premiers sketchs devant ma grand-mère. Elle était là, assise sur son fauteuil, comme ça, elle avait les mains sur les accoudoirs, comme ça. Et moi, sur les accoudoirs, j'avais des napperons blancs. Hein ? Non, ne me laissez pas tout seul sur les napperons. On en a tous. Moi, j'en avais dans toute la maison, des napperons. Je me rappelle, j'en avais sur la télévision, comme ça. Si je vous assure, Claire Chazal, j'ai jamais vu sa tête, hein, Claire Chazal, jamais. Et à cette époque, ma grand-mère, elle adorait regarder la télévision, mais elle avait un problème de câble. C'est-à-dire que la première chaîne qu'elle captait, c'était la 471. Je me rappelle, c'était journal télévisé en arabe. Alors moi, je parle pas l'arabe, mais je me souviens, ça donnait à peu près ça. أنا محق ولا فلالي عامل جمال أنا طحيق ولا دبر دبل أنا مصفح وقال فال وعامل جمال وعامل نيكولا ساركوزي وحق ولا فلالي عامل جنانة وطرق معامل روماني مو حتى فلالي عامل جنة وحق ولا دبر وجمام عامل جون لوي بورلو ماتينيون جون لوي بورلو برومي ميني جون لوي بورلو غارديسو جون لوي بورلو والو ها محقة ولا زمام وعمل كارلا بروني كارلا بروني وحقة دابا بوزنة مطرح مثاذي عامل زنة سي كالكان كيما دي وسنان وعمل مرحيخ ولا فلالة عمل بيبول وإيفا لونغوريا توني باركر وحقة ولا زباب وعمل لي تكستو لي نانا لي تكستو لي نانا لي تكستو لي نانا يا والله حرام هذا توني باركر وزمام عامل رحيق في العامل بنوا ساز مرلا مرحق بريزرفاتيف ولا مانيكس ديريكس زماعة بنوا ساز بومبيروب وي بنوا ساز بومبيروب وي قد بنوا ساز بنوا باردون ومحاق ولا فلالي عامل جمان أنا صحيح ولا فوتبول والديبلكس ودبا معامل جمان أنا مصحيح والزمام عامل خيخات على در الرحيق ولا ديداري عامل جنو جنو جنونينا أنا مزمم عامل ستاد برنابي ولي حاقة ولا فلالي عامل جنابة قلت رحيق حيقة حيقة في البالون بالون في الجينة بالون في الدوري دوري في البالون دوري في الحطو حطو في البالون حطو في القزح قزح في البالون قالون في الزينة جينة دوري دوري دوري دوري حطو حط أح كورنر كورنر في الجينة جينة دوري دوري حطو حطو في البالون حطو في القدح قدح قدح Et là, je me souviens, elle changeait de scène, elle changeait de chaîne. Ouais. Il faut mieux rectifier, de toute façon, on est en direct. Donc c'est mort, c'est fini, c'est enregistré, donc c'est là. Hein, voilà. Donc elle changeait de chaîne, elle tombait sur la 681. Je me rappelle, je vous assure, c'était une émission culinaire. Je vous assure, c'est une recette de cuisine en turc. تركر كرم شادم صلاة لام كتكر تركر كرم شادم صلاة لام كتكر رجع جازالين بلبل القصم يا دادا فففف كتكر رجع جازالين إيش هلم عالم قرر لام كتكر رجع جازالين بيلي ما دام خرخر كرام شادم صلاة لام كتكر رجع جازالين بيلي ما دام فففف كتكر رجع جازالين إتم سلام خرم كلام بلبل القسم كذبهم أصازم زيليم أوبام ماري هذا دم خرم كتفصل أتميل إبيس خدم خرم شو شو زليم إديتن خرم صوص زيليم كيتشوب مايونيز بتم خرم ديدي صليت تزين سميل معلم صوص برونش كذم خراتي دس سمي جالم إذن صازم آه بطاطم كت كت كر جا زليم أتميل أونيون بدم خرم إل أونيون بدم خرم شو شو شو ما زليم كت كت كلا ديدي زم لما تم كلام كتكتر جازا ظليمي إلى اسم هذا مقرر من هيدنس أوه بابا بام هذا مسلم قد قد كازا هذا مسلم قد جزء من أصم 180 دقري بلبل الخصم هذا إيتم سلم خرم ذي تسلم قد قد كريم جازا مسلم يا ذي مسلم قد قد كر جازا إيزي سيميش إشم سلم قد قد ميلم ألم قد كالم أصم أتم خرم سلم إيتم بلبل الخصم هذا أصم قد كرم بلبل الخصم شزالي مش يتزم طرطو فريز Et maintenant, je le sais maintenant, parce que tous les soirs à la même heure, elle mettait la 901, c'était la météo en Italie. Mais maintenant, je le sais, c'était pas pour les températures en Italie, c'était pour le présentateur. buonasera a tutti, non sono di capelli, non sono tutti, non sono tutti, di rigiuni, non sono tutti, non sono tutti, mi pare, la tarito da tutto. E la non sono tutto, di la tinta, non ho vita, no, tu. E la non sono tutti, e la mitiù di Ugi, dal santino i rigiuni, alla lana il perturbato e l'effemerido della San Pellegrino, di la sono tutto, di là. E la non sono tutto, pare. Il nord-est di Dantantone, burrasca, grella, rino, nosso, ella, nita, burrasca, la merda, la merda, la merda, la merda, la merda. Il sud-est de Palermo, il sud-est, Sicilia, Palermo, di non ho sonuto, ridate, Palermo, no, scusi, tutto bene de Palermo, tutto bene. En à peine quelques mois, les morts se comptent déjà par centaines de milliers. Le conflit s'enlise. Les poilus s'entassent dans de gigantesques tranchées de plus de 650 km de long qui balafrent le pays de la mer du Nord à la Suisse. La boue, le froid, la pluie, les invasions de poules, les bombardements, tel est le quotidien sur le front. Georges Clemenceau est alors nommé président de la Commission des armées. Il va utiliser cette position de président de la Commission de l'armée pour aller rendre visite, se déplacer sur le front. Il voit le dénuement des soldats. On manque de pantalons, on manque de chaussures, on manque d'armes, on manque de fusils, on manque de tout. Il est là aussi confronté à cette immense souffrance, ces soldats qui n'en peuvent plus. Dès lors qu'un haut responsable est au contact des soldats de l'avant, il se rend compte de la réalité de leurs conditions de vie. Et évidemment, revenant à Paris, il va donner des directives extrêmement fermes pour qu'on améliore, autant que faire se peut, les conditions de vie et de transport, notamment des soldats blessés. Le courage. Ce seul mot résume l'extraordinaire attitude des soldats lors de la plus légendaire et terrifiante des batailles qui éclate au début de l'année 1916, Verdun. Quand on dit Verdun, on a tout dit. Par la durée de la bataille, 300 jours, 300 nuits, par les plusieurs centaines de milliers de tués, non seulement à cause du feu, mais également à cause des premières armes chimiques, le gaz, singulièrement le gaz moutarde, l'hypérite, qui va non seulement tuer, mais surtout immobiliser et rendre des milliers d'hommes aveugles. À Verdun succède en 1917 l'épouvantable tragédie du chemin des dames. 30 000 poilus tombent les 10 premiers jours et plus de 200 000 en à peine 2 mois. Un massacre effroyable pour à peine quelques centaines de mètres d'avancée. Après ces offensives vaines et meurtrières menées par le général Nivelle, des mutineries éclatent et un vent de pacifisme souffle sur la nation à bout de force. Dans un sursaut, le président Raymond Poincaré choisit de nommer Georges Clemenceau, âgé de 76 ans, à la présidence du Conseil. Quand aurez-vous constitué le gouvernement ? Très vite, monsieur le président. Ce sera un gouvernement de combat, je vous tiendrai informé. Merci beaucoup. Je serai impitoyable avec ceux qui veulent négocier. Impitoyable. Sur ce point, nous sommes d'accord. J'en suis heureux. C'est aux politiques de diriger les militaires. Je prendrai mes responsabilités. Je commanderai. Monsieur le président, je t'en prie, non. Les Allemands pourraient vous apercevoir. Foutez-moi la paix, Mordac. Ce petit gars risque leur vie pour défendre la patrie. Alors qu'est-ce qu'il penserait s'il voyait un vieillard peureux rester à l'abri ? Il montait, il regardait les Allemands. Il les menaçait. Donc, vraiment, aucune limite. Il était là, il montrait le poing, il disait « on vous aura ». Il suffisait d'un tir, il était mort. C'est pas grave. On vous aura, salopard ! On vous aura ! Sur le front comme à l'arrière, Clemenceau utilise tous les symboles de la nation pour relancer la ferveur patriotique. Dans cette cour des Invalides, où on a toujours rassemblé les trophées pris à l'ennemi, Clemenceau a fait venir le premier avion allemand qui avait été pris sur le champ de bataille, des canons, etc., des drapeaux, pour montrer à la population, à l'arrière, comme il disait, que ça se passait bien sur le front, qu'on était en train de gagner et de l'emporter. Démission ! Puisque je suis attaqué personnellement, qu'il me soit permis de justifier la doctrine du gouvernement. Politique intérieure, je fais la guerre. Politique étrangère, je fais la guerre. Je fais toujours la guerre. Le 21 mars, une violente offensive allemande en Picardie provoque un affolement général. Les Allemands sont à deux doigts de créer enfin la percée et de gagner la guerre. Et Pétain, qui replie son QG de Compiègne à Provins, ça vous montre la confiance qu'il a dans ses troupes. Et Clemenceau se heurte au pessimisme de Pétain. Pétain ne peut plus être le chef, car Pétain est un pessimiste qui considère que tout est perdu. C'est un catastrophard. D'où l'appel à Foch. À Doullens, le 26 mars, Clemenceau impose aux Britanniques que le général Foch soit le seul à coordonner l'ensemble des armées alliées du front. Grâce à cette nomination, à l'arrivée des troupes américaines et à l'utilisation massive de nouveaux chars, la situation bascule en faveur de la France. Georges Clemenceau, l'incisif, devient en cette heure glorieuse de l'histoire de France et pour la postérité, le père la victoire. Guillaume II en exil dira « Celui qui nous a vaincus, c'est pas l'armée française et les alliés, c'est le petit vieillard qui s'appelle Clemenceau. » Thank you.

On ne s'en va pas. On ne s'en va pas, monsieur. On ne s'en va pas. Mais il est tard, monsieur. Il faut que je rentre chez moi. Charline, le journal Le Monde s'apprête à tomber aux mains d'un milliardaire tchèque, car l'un des actionnaires du journal, Mathieu Pigas, veut lui vendre ses parts. Mais on parle du journal Le Monde, un des rares journaux qui a encore un peu de crédit. Alors ce serait triste qu'il arrive entre les mains du tchèque, tout ça parce que Mathieu Pigas doit rembourser ses crédits à lui. Je vous resitue Mathieu Pigas, c'est ce banquier de la banque Lazare qui s'achète une image de gauche en portant un sweat à capuche sous son costume Dior et qui s'est offert Radio Nova, les Arocs et 2-3 festivals pour se la jouer punk. Un banquier rock. Moi, on aurait dû se méfier. Vous avez déjà vu un rocker faire des chansons sur les cicaves et les taux d'emprunt ? Je veux dire, à part Dominique Seux qui fait ça le soir dans son garage, ça n'existe pas. Mathieu Pigas, le mec a mis des billes dans Le Monde et maintenant que ça ne l'amuse plus, il leur file en loose dé à un milliardaire tchèque, vendeur de gaz et proche du Kremlin. Ça va lui faire bizarre à Florence Aubenas de faire relire ses reportages par Poutine. Puis j'espère que Plantou, il maîtrise la courbe des pectoraux du leader moscovite, parce que sinon ses souris et ses petits cœurs, il va pouvoir les dessiner sur les murs de son cachot. Quand on pense que ces dernières années, on a ferraillé pour la liberté de la presse, c'est pas pour qu'on se la fasse piquer par un milliardaire qui lèche les pompes du Kremlin. Merci Mathieu Pigas. Mais s'il continue comme ça, le banquier punk, il va revendre Radio Nova aux Russes, puis dans 2 mois, ça passe du Mireille Mathieu en boucle. Le tchèque vient déjà de racheter Marianne et d'y placer Natacha Polony. Mais un type qui décide de bosser avec Natacha Polony peut pas être un mec équilibré. Ali Badou, vous me le disiez encore tout à l'heure. Oh là là, mais à quoi ça sert que Macron fasse des cadeaux aux riches s'il vend nos journaux aux oligarques étrangers ? Vous vous rendez compte que demain on dira « Christine, hein, tu te rappelles le bon temps quand nos médias appartenaient à des milliardaires français ? Moi, je vais encore bien être manipulée, mais par des gens du cru. Hein. » Et puis, il va faire comme en Mélenchon. À chaque fois qu'il veut gueuler sur un patron de presse, il va devoir prendre l'avion. L'acheteur tchèque, il s'appelle Kretinsky. Oui. Il a déjà racheté Elle, Télé 7 jours et France Dimanche. Le type collectionne les journaux comme d'autres collectionnent les timbres. Ah bah, ça va avoir de la gueule, le grand débat France Inter, en partenariat avec Le Monde, Télé 7 jours, Coupes Closer, Pétanque et Vodka Magazine. Merci, Pigas ! Mais ça, c'est le dilemme quand elle banque de la gauche morale. T'es rock, mais tu peux pas t'empêcher de replonger le nez dans une grosse plus-value. Allez, monsieur Kretinsky, laissez le monde tranquille et à la place, on vous livre Jean-Marc Morandini. Quoi. Merci, Charline. Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et aujourd'hui, nous allons voir un chapitre de 3e sur la Première Guerre mondiale et ses conséquences. Une des conséquences de la Première Guerre mondiale, ce sont les révolutions russes. Attention, il y a eu 2 révolutions russes, donc ne les confondez pas. La première a lieu en février 1917, la deuxième en octobre 1917. Elles ne vont pas solliciter les mêmes acteurs. Les circonstances, ce sont les défaites contre les empires centraux. En février 1917, les femmes, les ouvriers, associés aussi avec les soldats, vont manifester car il existe une famine et ces populations ont faim. D'autant plus qu'il y a des défaites. Donc pour eux, la guerre n'apporte rien. La conséquence de cette première révolution russe, c'est la chute du tsarisme, c'est-à-dire le régime à l'époque qui ressemblait finalement à une sorte de monarchie. Naît alors un gouvernement provisoire. Deuxième révolution russe, en octobre 1917, sollicite là cette fois-ci les bolcheviks, associés notamment avec Lénine et Trotsky. En octobre 1917, ces populations vont prendre le pouvoir, mettre fin au gouvernement provisoire et mettre en place un gouvernement bolchevique. Autre conséquence de la Première Guerre mondiale, son bilan très meurtrier. 70 millions de soldats ont été impliqués dans le conflit, qu'ils viennent d'Europe, mais également d'Amérique, par exemple. De plus, on dénombre 10 millions de morts et 6 millions de mutilés, notamment ce qu'on appelle les gueules cassées. Autre conséquence, l'endettement des pays européens et donc le développement de la puissance des États-Unis. L'agitation sociale également se développe avec notamment des révolutions bolcheviques en Allemagne, notamment avec Rosa Luxembourg, révolution bolchevique qui est très vite arrêtée. Une nouvelle carte de l'Europe est dessinée avec la création de 8 nouveaux États, notamment la Pologne. mais également la Tchécoslovaquie, par exemple, qui réunit deux peuples, le peuple tchèque et le peuple slovaque. Or, en 1918, Woodrow Wilson, qui est à l'époque le président des États-Unis, avait parlé du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes signifiant en fait que le peuple avait le droit de choisir l'État dans lequel il vivait. Or, ici, on constate qu'avec la naissance de la Tchécoslovaquie, deux peuples réunis, cela ne confirme pas trop les dires de Woodrow Wilson. On assiste donc à des tensions, notamment en Italie, puisque l'Italie s'était engagée du côté de l'Entente pour récupérer les terres irrédentes, mais celles-ci ne lui sont pas données dans leur totalité. Enfin, parlons de la signature des traités de paix. Alors, il y a eu plusieurs traités de paix en fonction des belligérants et donc des puissances centrales. En ce qui concerne l'Allemagne, le traité de Versailles est signé le 28 juin 1919. Il fait de l'Allemagne le seul responsable de la guerre et donne des conditions très dures à la mise en place de la paix. Notamment du point de vue militaire, l'Allemagne n'a le droit qu'à une toute petite armée et puis elle doit verser de lourdes réparations. En 1919, la SDN, Société des Nations, est créée. Cependant, cette Société des Nations est très vite mise à mal, puisque, alors que c'était une idée américaine de Woodrow Wilson, les États-Unis refusent d'y entrer, prétextant que le traité de Versailles est très dur pour l'Allemagne. La SDN est censée maintenir la paix dans les pays qui la composent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Et à bientôt chez Digiscall. Avec le temps, la bataille de Verdun devient un élément tout à fait symbolique de la Première Guerre mondiale. La France a remporté la victoire à Verdun, mais à quel prix ? Dans chaque famille française, il y a un grand-père, un arrière-grand-père qui a combattu à Verdun. On compte 700 000 victimes entre, bien sûr, les morts, les disparus et les blessés. Ok, il y avait les poilus, mais il y avait les autres poilus qui sont là. Donc c'est aussi leurs frères d'armes. Et rappeler l'histoire de ces gens qui sont morts, on les a là, hein. Ils sont morts pour la France, hein. Ils ne sont pas morts pour... pour le Maghreb ou pour l'Afrique. Hein. لنستمع لما قاله ألكسندر ميلران عن جنود المستعمرات الفرنسية في إفريقيا الذين شاركوا في الحرب العالمية الأولى. هذا الرجل كان رئيسا لفرنسا من عام 1920 إلى 1924 وكان وزيرا للحرب أثناء الحرب العالمية الأولى منضبطون عند إطلاق النار أو المناورة متحمسون كاللهيب عند الهجوم عنيدون في الدفاع عن مواقعهم حتى الموت تحملوا برد الشمال القاسي خلافا لكل التوقعات لقد أعطوا الدليل القاطع عن قوتهم العسكرية كل هذه الصفات وضعتهم نهائيا في أعلى مستوى قواتنا العسكرية في إفريقيا. Ici, on va avoir le carré musulman qui rassemble 592 corps. La forme des stèles rappelle la religion du soldat. Donc, on a des croix latines pour les soldats chrétiens, donc catholiques ou protestants d'ailleurs. On a des stèles arrondies plutôt pour les stèles de soldats de confession israélite. Et puis, pour les soldats d'origine musulmane, on a aussi cette forme bien particulière avec une inscription qui rappelle en arabe Siji, le soldat, un tel. لما اشتدت الحرب وتعددت الجبهات القتالية، وجدت الحكومة الفرنسية نفسها مضطرة إلى تعبئة جنود من مستعمراتها في القارة السوداء، خاصة دول شمال إفريقيا. On estime à peu près à 600 000 hommes qui ont été mobilisés et à travers donc les différents uniformes, on peut parler des soldats algériens, tunisiens, marocains qui ont été présents dès le mois d'août, hein, mobilisés dès le mois d'août 14. Ici à Meaux, on a une brigade marocaine qui va se battre là à 5 km d'ici pendant la première bataille de la Marne par exemple. إضافة إلى تعبئة جنود من المستعمرات للقتال، عمدت الحكومة الفرنسية إلى تعبئة مئات الآلاف من شباب دول المغرب الكبير لتشغيلهم في المصانع الفرنسية لإنتاج عتاد الحرب أو في الوحدات الاقتصادية الأخرى. On a recruté dans les colonies des indigènes à la fois pour les envoyer comme ouvriers pour les faire venir en tant qu'ouvriers travaillant pour les industries de guerre en particulier, mais pas seulement, parce qu'il fallait assurer aussi la continuité de l'activité économique, mais aussi pour les envoyer sur le front. كان هؤلاء الجنود الذين وجدوا أنفسهم على جبهات القتال فور وصولهم إلى فرنسا كانوا في أغلبيتهم شباباً ينتمون إلى الطبقات الاجتماعية المتواضعة في مجتمعاتهم المحلية، كانوا لا يتقنون اللغة الفرنسية ويفتقرون إلى أدنى تدريب عسكري يمكنهم من خوض المعارك. Il y a une période où on les a envoyés carrément à la boucherie en 1914, à la bataille de l'Isère, à la bataille de l'Aisne, la bataille de Lourdes. Donc on les a envoyés carrément à la boucherie, à la bataille de Charleroi en août 1914. Il y a eu une défaite de l'armée française, mais ceux qui étaient les plus exposés, c'était justement ces tirailleurs, ces zouaves, enfin une partie maintenant les zouaves étaient devenus, l'armée d'Afrique était exposée. في بداية الحرب سجلت خسائر فادحة في صفوف جنود المستعمرات، وذلك بسبب حدة المعارك وضعف مستواهم القتالي ووضعهم في مقدمة الجبهة وجها لوجه مع العدو. Pendant l'année 1914, ils n'étaient pas préparés à faire la guerre. On ne leur a pas donné l'instruction militaire nécessaire. Et puis ils découvraient un autre climat, une autre langue. Et puis on les mettait, ce qui était encore incroyable, on les mettait en avant du champ de bataille. Ce qui faisait que l'année 1914 à elle seule, on compte à peu près plus de 12 000 morts. Rien que pour 1914, sans compter le nombre de blessés. هذه الخسائر انخفضت نسبتها في المرحلة الثانية للحرب ابتداء من 1915 بسبب تأقلمهم بالظروف المناخية القاسية واكتسابهم لتجربة حربية بعد عدة شهور من القتال. À partir de 1915, la donne change complètement. Ils sont plus aguerris, mieux formés et surtout ils sont déterminés. À la bataille déjà de la Marne, le maréchal de la Marne, le maréchal Foch, exprimait son contentement de voir ces tirailleurs, ces indigènes colonisés, ces soldats indigènes, faire face à l'ennemi en sacrifiant leur vie. بعد نهاية الحرب وانتصار فرنسا توجه الماريشال فوش إلى كل جنوده بمن فيهم جنود المستعمرات قائلا لهم: لقد انتصرتم في أكبر معركة عبر التاريخ وأنقذتم حرية العالم التي تعتبر أقدس قضية على الإطلاق. J'ai mon arrière-grand-père qui s'est battu ici en 1916 et qui a été blessé. Donc il était au 7e régiment de tirailleurs algérien. Et comme son régiment a été pratiquement anéanti, il a fusionné avec le 11e. Et il est mort donc le 20 juillet 1918 du côté de Soissons. بعد نهاية الحرب بقي العديد من عائلات هؤلاء الجنود الذين قتلوا في الحرب لا يعرفون أي أثر عنهم. الإدارة الفرنسية في المستعمرات لم تعلم عائلات الجنود عن مصير أبنائها. Et donc on avait très peu d'éléments. On sait qu'il était mort pour la France, mais on n'avait rien d'autre. Et à part ces photos, et c'est pour ça que je remercie l'ONAC parce que ils m'ont permis d'avoir un dossier. Des archives de Pau sur la Première Guerre mondiale, ça m'a permis un peu de retracer son parcours. Zerawi Amar, qui est donc décédé à la bataille de Plessis, au champ d'honneur, mais les autorités coloniales se sont bien gardées d'en informer la famille. Pour la famille, il était donc parti en France, il n'est jamais revenu et c'était tout. جندت فرنسا لخوض الحرب العالمية الأولى ما لا يقل عن 600,000 جندي من مستعمراتها. منهم 175,000 من الجزائر، 60,000 من تونس و37,000 من المغرب. قتل منهم 28,000 جزائري، 12,000 مغربي و10,000 تونسي. رغم هذه الحقيقة التاريخية تبقى الإشارة إلى دور جنود المستعمرات في الكتب المدرسية ضعيفة جدا، إن لم نقل منعدمة، ما دفع ببعض الجمعيات والشخصيات التي تناضل من أجل الذاكرة إلى أن تطالب الحكومة الفرنسية باستدراك هذا التقصير. Avec Madame la ministre Najat Vallaud-Belkacem, je lui ai soumis un projet, c'est de pouvoir faire quelques pages dans les manuels scolaires, rappeler, je dirais, à l'école, à Jacques, à Mohamed, à Aïcha, à Martine, qu'on a une histoire commune et qu'on n'est pas là, on n'est pas arrivé en 1970 pour manger le pain des Français ou prendre leur travail. ويبقى هذا المقام الذي تحفظ فيه عظام مئات آلاف الجنود الذين قتلوا في الحرب العالمية الأولى شاهداً على ضراوة هذه الحرب ووحشية معركة فيردان التي قتل فيها 700,000 جندي من الجانب الفرنسي. Dans cet ossuaire, on trouve les ossements de milliers de soldats. On en compte à peu près. On pense qu'il y en a à peu près 130 000 soldats français et allemands, évidemment, puisqu'on ne peut pas les identifier. Et donc, ils sont rassemblés dans des caveaux qui se trouvent sous l'ossuaire. الحفاظ على هذه الذاكرة وتبليغها إلى أجيال الحاضر والمستقبل هو ما تقوم به المتاحف العديدة التي أنشئت خصيصاً لتاريخ الحرب العالمية الأولى، منها متحف فيردان الذي دشن لأول مرة في عام 67 وأعيد فتحه مؤخراً بعد عصرنته وإثراء محتوياته. Il a été décidé de faire un projet global qui s'appelle Renaissance du mémorial de Verdun, qui permet aujourd'hui d'offrir aux jeunes générations un mémorial entièrement renouvelé, qui donne en même temps une interprétation de la bataille de Verdun, c'est-à-dire des éléments de compréhension, des éléments pédagogiques qui donnent la possibilité de bien comprendre ce qu'était la bataille de Verdun. Et la grosse évolution aussi de ce mémorial, c'est qu'aujourd'hui, 100 ans après la bataille, il est l'esprit contemporain de célébrer le combattant de Verdun, quelle que soit sa nationalité. On n'est plus dans la représentation franco-française, mais on est dans la représentation franco-allemande. لنستمع في الأخير لما قاله شارل كونتز أحد الجنود الفرنسيين الذين شاركوا في الحرب العالمية الأولى. للأجيال القادمة أقول كونوا رسلاً للسلام، كونوا معلمين لتاريخ الحرب العالمية الأولى، لأن هذه المأساة يجب أن لا تنسى إلى الأبد، وإلا فإنها حتماً سوف تتكرر. Celui qui en revient Verdun, c'était bien. Pour celui qui en est mort, Verdun, c'est un port. Et pour ceux qui n'étaient pas nés, qui n'étaient pas là pour apprécier, c'est du passé, dépassé. Un champ perdu dans le nord-est, entre Épinal et Bucarest, c'est une statue sur la grande place, finalement Verdun. Thank you. crois que chaque colonisateur se doit d'abord d'apprendre qui est l'autre avant d'abord d'imposer sa propre culture. Et malheureusement, ça s'est jamais fait. Et c'est pourquoi je recommande d'ailleurs qu'on puisse justement éclairer plutôt ces zones d'ombre pour pouvoir savoir qui sont les communautés au départ et pouvoir vivre ensemble et construire un pays. La culture kanak, c'est une culture plurielle qui a toujours eu un goût pour la diversité. On se sent à la fois un, on se sent kanak, et pourtant on parle 28 langues différentes. On a 330 chefferies. On se sent riche de cette diversité. On n'essaye pas de se ressembler tous les uns aux autres. C'est dans les années 70, au moment d'une sorte de retour de cette culture dans la cité, que des gens comme Jean-Marie Tjibaou, Dewe Gorodé et bien d'autres ont utilisé ce mot qui était devenu une insulte, qui s'écrivait C-A-N-A-Q-E, et qui représentait un peu le cannibal ou le sauvage, qui l'ont écrit K-A-N-A-K et qui en ont fait un mot de fierté. Le changement climatique est commencé. Quand je vous dis qu'il faut qu'on démonte les centrales nucléaires, j'assume. On retrouvera tout le monde, mais il faut fermer, c'est dangereux. Et si je vous parle du changement climatique à ce sujet, c'est parce que je sais dans quelle situation nous sommes. Par exemple, pour la centrale de Blaye, qui est à 50 km de Bordeaux, dans l'estuaire de la Gironde, et qui a déjà failli une fois craquer en 1999, où nous avons été sauvés par un ingénieur qui a été assez intelligent pour comprendre ce qu'allait se passer. Mais des risques comme cela, nous en avons partout. Il faut fermer tous les réacteurs qui sont dans le prochain mandat. Tous. Et pour ça, il faut rattraper par de la production d'énergie renouvelable l'énergie dont nous ne disposerons pas. Nous avons besoin des milliers d'employés des centrales nucléaires d'aujourd'hui et des sous-traitants pour qu'ils nous aident à démonter tout ça. Parce qu'il y en a pour 20 ou 25 ans, qu'on ne vienne pas me dire que les gens vont être mis au chômage à cause de ça. Mais ce que j'ai presque envie de vous dire, mais quand bien même, vous l'avez vu, cette femme au toit, absolument contente. Elle est à côté d'une centrale nucléaire qui est sur une faille sismique et en dessous du niveau d'eau de l'endroit où ils refroidissent. Eh bien, ça ne lui pose pas de problème. Eh bien, moi, si. Moi, si. Et après, elle me dit, ah, mais oui, mais nous, on est le département le plus bio de France. Tu vas voir si tu vas rester bio longtemps, s'il y a un problème. Il y a 2 millions de personnes à 80 km autour. Comment la France pourrait-elle faire face à une situation comme celle-là, les gens? Réfléchissons tous. Ce n'est pas une question qu'on met comme ça sous la table, on le reverra une autre fois. Non, c'est maintenant. Et maintenant, on arrête. On compte 3 millions de logements insalubres dans le pays et 400 000 d'entre eux présentent des travers extrêmement graves qui les rendent menaçants pour ceux qui les occupent. Et ici, à Marseille, la population n'est pas aussi ghettoisée que dans d'autres villes de France. C'est-à-dire que vous avez des quartiers pauvres en plein milieu du centre-ville. Vous avez, bref, une répartition de la population qui est assez diverse. Et là, nous sommes dans un quartier traditionnel de Marseille, qu'un quartier de pauvres. Ce sont les maisons des pauvres qui se sont écroulées. Et il ne faut pas raconter d'histoire. Ce sont des maisons de pauvres qui se sont écroulées sur des pauvres. Et toute la journée, il y a eu une sorte de, peut-être d'ambiguïté ou de confusion. Parce que voyez-vous, il y a donc, comme vous l'avez très bien décrit, le numéro 63 qui était en quelque sorte condamné, qui appartenait à la ville de Marseille, et le numéro 65 mitoyen, qui lui avait été déclaré commode, enfin ça pouvait continuer. Et ça a été déclaré viable il n'y a même pas 10 jours par des experts qui étaient venus. Or c'est celui-ci qui est tombé le premier et qui a entraîné l'autre dans sa chute. Si bien que la probabilité est extrêmement forte qu'il y ait des gens dans les décombres. Et les gens qui étaient là n'étaient pas des squatteurs. C'était des gens qui payaient un loyer. Et qui payaient d'ailleurs un loyer plutôt cher, si on veut bien regarder le type d'appartement dans lequel ils habitaient. Alors je comprends qu'il y a un certain nombre de gens aujourd'hui qui se sentent mal, hein, notamment parmi les marchands de sommeil, parce que tout ça va se terminer au pénal. S'il y a en effet mort d'homme, s'il y a eu en effet une insalubrité conduisant jusqu'au point, comme on vient de le voir, que l'immeuble s'effondre, alors il faudra que ça se termine en justice. Charline Vanhoenacker, Thomas Legrand en parlait. La Nouvelle-Calédonie a choisi de rester française à l'issue du référendum qui était organisé hier. Ça faisait 30 ans que les Calédoniens attendaient de se prononcer pour leur indépendance. Et tout ça pour finir par dire « bon, non, bon, finalement on reste ». Vouloir rester aux mains de ces preneurs d'otages, ça porte un nom, ça nous pose le syndrome de Stockholm à Nouméa. Le taux de participation s'élève à 80%. C'est énorme, 80%. C'est là qu'on voit bien que les Calédoniens ne sont pas complètement français. En métropole, même avec des promos sur le Nutella, on n'arriverait pas au même résultat. D'autant qu'ils ont des plages magnifiques, baignées d'un grand soleil. Il faut avoir envie d'aller s'enfermer dans un isoloir. Mais attention, avec 56,4% de non à l'indépendance, ça s'est joué à peu de choses. Si la France n'avait pas remporté la Coupe du Monde en juillet, je ne donnerais pas cher de ce résultat. Et d'ailleurs, si le oui à l'indépendance était passé, est-ce qu'il n'aurait pas fallu rejouer la finale de 98 sans Christian Carambeu ? Et je ne donnerais pas cher du résultat. Non, j'ai pas le seum. Non, mais ce que je retiens, c'est que pour trouver des gens heureux de vivre en France, il faut aller les chercher jusque dans le Pacifique Sud. Et de me demander, mais qu'est-ce qui pousse des Calédoniens à vouloir rester français ? Est-ce que certains se sont dit, moi, pour protéger la barrière de corail, je fais confiance à François de Rugy ? Ça veut aussi dire qu'en Nouvelle-Calédonie, les gens n'ont aucune inquiétude à l'idée que Christophe Castaner soit leur ministre de l'Intérieur. J'ai aussi une pensée pour tous ceux qui ont voté oui à l'indépendance et qui ce matin se disent, eh merde, j'ai toujours la même nationalité qu'Éric Zemmour. Les Calédoniens veulent faire partie de la Start-up Nation, et quoi de plus logique quand on sait que ce sont eux qui ont mis leur territoire sur Airbnb il y a plus de 150 ans. Le président Macron est soulagé, ça s'est vu hier à la télé, parce que son allocution, il avait mis les moyens. Cette fois, il s'était payé un éclairagiste. Oui, donc soulagé, le président, car n'oublions pas que le dernier Français qui a pris son indépendance s'appelait Colomb, et ce n'était pas le meilleur augure. Aujourd'hui, le Premier ministre, sera en visite à Nouméa. Souhaitons bonne chance à Édouard Philippe, qui va pouvoir expliquer aux Calédoniens les bienfaits de la limitation à 80 km/h, surtout quand l'État n'entretient pas suffisamment les routes. Manuel Valls, lui, s'est félicité hier du résultat, lui qui était mandaté pour travailler à l'avenir institutionnel de l'île, ce qui le place en bonne position pour briguer la mairie de Nouméa une fois qu'il se sera gouffré à Barcelone. Voilà, le temps de la réconciliation est venu, juste après le temps des colonies. Donc. Merci Charline. Un jour à Knokke-le-Zoet, je deviens comme je le redoute, chanteur pour femmes finissantes. Même si je leur chante Mikolasson avec la voix bandonnéante d'un argentin de Carcassonne. Même si on m'appelle Antonio, que je brûle mes derniers feux en échange de quelques cadeaux, madame, il a fait ce que je peux. Même si je me saoule à l'hydromel pour mieux parler de virilité à des mémères décorées comme des arbres de Noël. Je sais que dans ma soulographie, chaque nuit pour des éléphants roses, je chanterai ma chanson morose, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement. Être une heure, quelquefois. Être une heure, rien qu'une heure durant. Beau, beau, beau et con à la fois. Même si un jour à Macao, je deviens gouverneur de tripots, cerclé de femmes languissantes. Même si lassé d'être chanteur, j'y sois devenu maître chanteur, et que ce soit les autres qui chantent. Même si on m'appelle le beau Serge, que je vends des bateaux d'opium, du whisky de Clermont-Ferrand, de vrais BD, de fausses vierges. Que j'ai une banque à chaque doigt, et un doigt dans chaque pays, et que chaque pays soit à moi, je sais quand même que chaque nuit, tout seul au fond de ma fumerie, pour un public de vieux chinois, je rechanterai ma chanson à moi, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement. Être une heure, quelquefois. Être une heure, rien qu'une heure durant. Beau, beau, beau et con à la fois. Même si un jour au paradis, je devienne comme j'en serais surpris, chanteur pour femme à aile blanche. Même si je leur chante Alléluia en regrettant le temps d'en bas où c'est pas tous les jours dimanche. Même si on m'appelle Dieu le Père, celui qui est dans l'annuaire entre Dieu le Fils et Dieu vous garde, même si je me laisse pousser la barbe. Même si toujours trop bonne pomme, je me crève le cœur et le pur esprit à vouloir consoler les hommes, je sais quand même que chaque nuit, J'entendrai dans mon paradis les anges, les saints et Lucifer me chanter ma chanson naguère, celle du temps où je m'appelais Jackie. Étant une heure seulement, étant une heure, quelquefois, étant une heure, rien qu'une heure durant, beau, beau, beau et con à la fois. Un siècle de lutte sociale est en train d'être rasé. Comment réapprendre à combattre en méditant sur les leçons des mouvements sociaux du passé ? Comment se défendre contre le rouleau compresseur médiatique ? C'est tout l'enjeu d'Antisocial, le nouveau livre du politologue Thomas Guénolé, publié chez Plomb, qui se propose de déconstruire les fake news de la politique néolibérale. Bonjour Thomas. Bonjour Aude. Alors, on a un formidable exemple en grandeur nature en ce moment sur les plateaux de télé de ce que vous décrivez dans Antisocial. Lorsqu'on voit comme ça les divisions blindées lancées sur tous les plateaux contre, enfin, en faveur de la réforme de la SNCF ou contre les cheminots, c'est selon votre appréciation, on pense forcément à des événements, à des périodes telles que la campagne de 2005. Sur le traité constitutionnel européen. Alors je vous pose la question aujourd'hui, comment lutter contre ce genre d'offensive ? Alors il faut d'abord comprendre comment on en est arrivé là. C'est-à-dire qu'il y a eu une évolution du paysage médiatique. Les médias dominants, les grands médias, les médias mainstream, côté privé et côté public. Alors côté public, par resserrement de vis successifs, on en est arrivé à une situation où la ligne éditoriale des grands médias audiovisuels publics, hormis quelques poches de résistance, et c'est tout à leur honneur, sont dans une situation où ils défendent, ils ont une ligne politique, une ligne éditoriale, une ligne politique de soutien au gouvernement. Et donc vous avez une accumulation de journaux télévisés, par exemple France 2, pour ne pas les nommer, pour lesquels, par exemple, Anne-Sophie Lapix va recevoir en interview le Premier ministre Édouard Philippe, vous citiez l'exemple de la réforme du rail, et les questions vont être sur le statut des cheminots, les réformes nécessaires, et on évite les questions qui fâchent, par exemple le risque de destruction du service public ferroviaire, ou le fait qu'il y ait eu des choix d'investissement qui aient démoli l'état général du réseau et qui n'ont rien à voir avec les cheminots, qui au contraire font de leur mieux sur le terrain pour compenser ça. Et donc on est du côté des grands médias audiovisuels publics dans un choix pro-gouvernemental, systématique et très marqué, et qui se durcit. Et du côté des grands médias privés, on est arrivé à ce qu'on appelle en économie un oligopole, c'est-à-dire qu'une oligarchie, au sens d'Aristote, une toute petite minorité, détient les grands médias audiovisuels et de presse écrite. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comme ils ont les mêmes intérêts, les mêmes partis pris idéologiques et les mêmes intérêts à baisser les impôts des plus riches, puisque c'est eux, baisser la fiscalité sur le capital, puisque c'est encore eux, également de baisser les protections, les droits sociaux, parce que ça fait de la main-d'œuvre moins chère et plus facile à virer, et également des réformes plus, comment dire, je ne sais pas si vous avez sans doute déjà joué au Monopoly, et donc il faut imaginer une partie de Monopoly dans laquelle vous avez des choses qui sont intéressantes, par exemple le service public de la téléphonie, par exemple le service public du rail, par exemple le service public postal, et tout ça, ce serait intéressant à privatiser. Sauf que quand c'est privatisé, qu'est-ce qui se passe derrière? Vous avez, comme c'est très très cher à acheter, ou c'était très très cher de faire entrer des concurrents, de s'installer comme grands concurrents sur ces marchés, ça devient systématiquement des grands oligopoles. Et donc, il faut bien comprendre que souvent, les grands acteurs financiers qui prennent le contrôle des services publics privatisés et les propriétaires des grands médias qui disent qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est de privatiser, ils disent ouvrir à la concurrence, mais c'est une privatisation, ce sont en fait, les mêmes forces économiques. Et donc, nous nous retrouvons avec un modèle, un système de propagande qui déploie, d'une part, des mensonges en boucle sur les cibles de ces réformes de destruction de nos solidarités sociales et de nos services publics. Et donc, ça donne, par exemple, les chômeurs n'ont pas de boulot parce qu'ils cherchent pas assez, parce que c'est des feignasses qui aiment vivre au crochet de la société, ou les cheminots sont des privilégiés, il faudra m'expliquer en quoi, les fonctionnaires sont des branleurs, etc., etc. Et donc, ces mensonges-là sont répétés en boucle, et ça sert à justifier, ensuite, à faire accepter à la population, en les montant les uns contre les autres, « Ah, toi, t'as droit à 2 jours de congé de plus que moi, c'est un scandale », et pendant ce temps-là, on a open bar part sur l'ISF à rendre des milliards à des gens qui sont déjà ultra riches. Et donc, on a affaire à un modèle de propagande. On peut citer les travaux de Chomsky, de Herman là-dessus, dans un livre comme La fabrication du consentement, ou chez nous, les travaux de Bourdieu sur la fabrication de l'opinion publique, avec l'instrumentalisation des sondages, etc. Et donc, vous citiez tout à l'heure ce qui se passe avec la SNCF. C'est un feu roulant hallucinant. On fait une diversion en parlant en boucle du statut des cheminots. On emploie des expressions de propagande absolument abominables, comme de dire que les grèves seraient des prises d'otages. Et donc, terroristes djihadistes du Bataclan ou grévistes du rail, c'est pareil. Et ce système de matraquage, donc, permet de faire rentrer de force dans la gorge des gens, ou plutôt dans leur cerveau, qu'il n'y a pas d'alternative et que cette propagande idéologique permanente, c'est l'expression d'un discours raisonnable, la preuve que c'est raisonnable. Voyez, nous sommes tous d'accord. Vous voyez ? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Après, pour répondre précisément donc à votre question, que faire contre ? On va y venir. Voilà. Mais pour en rester un moment, justement, puisque vous parliez de cette prise d'otage de l'usager, pour en revenir à ces expressions qui sont matraquées, vous citiez celle-là, on pourrait parler de la libération des énergies. La responsabilisation du patient aussi. Ça veut dire que la facture de vos soins va augmenter pour vous. On pourrait parler aussi de réformer sans faiblesse, hein, une expression qu'on entend énormément en ce moment sur la radio publique, tous les matins, dès le réveil. Alors, ça paraît tout con. C'est le contraire de la mithridatisation. La mithridatisation, c'est, à l'époque de l'Antiquité, le grand roi Mithridate prenait une petite dose de poison pour pouvoir être à l'abri des poisons. Là, c'est le contraire. C'est tous les matins, quand vous écoutez votre radio, quand vous ouvrez votre journal ou quand vous regardez la télé, on vous inocule du poison supplémentaire, mais là, c'est pour vous empoisonner. Donc, et oui, ça marche ça. Et ça marche du feu de Dieu. Oui, ça fonctionne en termes de... Soit ça fonctionne en se disant... En fait, à force d'entendre la propagande, ça marche, hein, c'est connu. Et donc, il y a toute une partie de la population qui devient acquise à cette thèse-là. Et pendant ce temps-là, et c'est cela qu'il s'agit de remobiliser, il y a des millions de gens qui ne sont pas d'accord, mais qui se résignent en se disant « manifestement, effectivement, c'est perdu d'avance, il n'y a pas d'alternative, etc. etc. » Et donc, avec des expressions de propagande, parce qu'il faut, employer les mots qui conviennent, les mots sont importants, c'est bien de la propagande. Quand on dit, par exemple... le chômage, problème très grave, d'accord, mais ce qu'il faut, c'est que les chômeurs soient davantage contrôlés dans leur recherche de travail. Et il faut qu'ils fassent l'effort de se former. Ça veut dire que si tu es chômeur, c'est de ta faute. Bien. Admettons le postulat. Admettons-le juste deux secondes. Il y a combien de postes vacants ? C'est des choses que j'explique dans le livre. Il y a combien de postes vacants en ce moment, tous les ans, selon Pôle emploi ? Il y en a 120 000. Il y a combien de chômeurs en France ? Il y en a 5 600 000, plus maintenant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si tous les postes vacants étaient pourvus, il y aurait quand même 98% des chômeurs qui restent au chômage. Donc, toute la politique actuelle de flicage des chômeurs, de harcèlement moral, encore une fois, appelons les choses par leur nom, envers les chômeurs, et de « va faire des formations, va accepter ceci, va accepter cela », puisque dans 98% des cas, en fait, ça ne donnera pas de boulot, c'est une gigantesque chasse aux dahus. En réalité, c'est se faire porter sur les chômeurs la culpabilité de l'échec de nos élites à donner un boulot à tout le monde. C'est une guerre d'image, en fait. C'est une, plus qu'une guerre d'image, c'est la constitution, j'en parle, ça c'est plus dans le prologue, c'est la formation d'une nouvelle église. C'est la formation d'une nouvelle église. Si vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'il n'y a pas d'alternative et que ce sont ces réformes-là qui sont nécessaires, vous êtes un hérétique. Vous avez une transgression par rapport à un credo. Ce credo, c'est quoi ? C'est les chômeurs ne trouvent pas de boulot parce qu'ils ne cherchent pas assez, c'est de leur faute. Les grèves, c'est pour défendre les privilèges des syndicats et les fonctionnaires sont des branleurs. De dire, par exemple, que l'éducation nationale forme beaucoup moins bien les jeunes que leurs grands-parents, qui étaient bien sûr tous des super premiers de la classe. Mon œil, et source les grands-parents eux-mêmes, hein, d'ailleurs, se dit en passant, c'est eux qui disent qu'ils étaient supérieurs, je les invite à passer le bac d'aujourd'hui et on en reparle. Vous avez ça, vous avez sur la sécu l'idée que ça coûte trop cher et que vraiment on est dans un open bar alors que ça n'est pas vrai non plus, alors, etc., etc. Et donc, c'est l'église médiatique, à l'heure actuelle, sert à installer une nouvelle vérité officielle, et ça sert à faire accepter l'ordre établi et l'aggravation de l'ordre établi. Parce que le projet politique en question, le projet politique que j'appelle antisocial, c'est un programme véritablement de démolition systématique de nos solidarités sociales, de nos protections, de nos droits et de nos services publics pour les livrer, les gens et les services publics, à la prédation de grandes firmes et de grands actionnaires. Alors, vous en parliez à l'instant, arrêtons-nous un moment sur la question de la santé, justement. Parce que le paradoxe de ce matraquage, c'est qu'on nous présente comme archaïque et contre-productif des systèmes qui sont en réalité souvent très performants, en réalité. Ainsi, vous citez dans votre livre l'étude réalisée par l'Organisation mondiale de la santé en 2000, qui nous plaçait au premier rang mondial, la France première. Et la France, aujourd'hui, a chuté, 18 ans plus tard, à la 15e place. Oui, là, on est dans un cas d'école qui prouve qu'il y a propagande. C'est que, quel est le récit qu'on nous donne ? Le système de santé français est trop dépensier. Alors, c'est faux, on est à des dépenses de santé de 11% du PIB, on est dans la moyenne des pays riches, et aux États-Unis, c'est beaucoup plus. Et en Allemagne, c'est pareil que chez nous. Donc, mensonge. Et sur cette base-là, on met en place des politiques qu'on présente comme étant des réformes de bonne gestion. C'est toujours le même discours, hein. C'est, il y a les idéologues, c'est-à-dire les gens qui pensent différemment, les hérétiques, et puis en face, vous avez des gens qui sont dans un discours raisonnable, dans une gestion saine, dans une gestion moderne, flexible, efficace, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'hôpital, concrètement, ces fameux bons gestionnaires ? Avant les grandes réformes des années 2000 de l'hôpital public, les hôpitaux recevaient un budget tous les ans, et puis ensuite, bah, ils se débrouillaient pour le dépenser, pour procurer un service public de soins. Depuis les réformes, donc c'est notamment la loi HPST, j'en parle dans le livre, vous avez les hôpitaux doivent facturer chacun de leurs actes à l'argent public, et puis ensuite ils sont payés à l'acte, ça s'appelle la T2A, la tarification à l'activité. Qu'est-ce que ça a donné comme conséquence très concrète pour les gens et pour le personnel hospitalier ? Ça a donné que, à l'intérieur des hôpitaux, on fait une course à l'acte le plus rentable plutôt que de faire une priorité à soigner bien tout le monde. On privilégie les patients rentables par rapport aux patients qui ne sont pas rentables. On augmente les cadences pour pouvoir faire du chiffre. Et donc, un, vous avez la qualité des soins qui se dégrade, vous avez le temps passé avec les patients qui se dégrade, et vous avez un tiers du personnel hospitalier qui est en burn-out. Et pendant ce temps-là, ça ne marche pas en termes de réduction des dépenses, puisque de toute façon, comme on a une population dont les besoins augmentent simplement avec les progrès de la médecine, il n'y a aucune raison, en réalité, qu'on ait une contraction des dépenses, c'est absurde. Et donc, vous vous retrouvez dans une situation où l'austérité pratiquée contre les hôpitaux, sur les hôpitaux, qui est censée être une méthode de bonne gestion, nous a fait, vous le mentionnez, chuter de la première place mondiale en tant que système de santé à la 15e place en l'espace de moins de 20 ans. Et donc, on a envie de dire, bravo les gars, surtout changez rien, c'est vrai que vous êtes des super bons gestionnaires. Donc, ce sont des foutaises. Alors, quand on lit votre livre et qu'on voit comme ça passer en revue tous ces bobards oui, imposés dans les médias, on se dit que finalement, les rois des fake news, c'est eux. Oui, alors ça participe d'un renversement qu'on pourrait qualifier d'orwellien, finalement. C'est-à-dire, je raconte du bullshit à longueur d'antenne, mais je suis, moi, habilité à décider non seulement qu'est-ce qui est fake news et qu'est-ce qui ne l'est pas, et donc ça veut dire que mes fake news ne font pas partie des fake news, déjà. Les miennes ont un totem d'immunité, en quelque sorte, et celles des autres, je vais les sanctionner, ce qui sous-entend que je suis légitime à déterminer le vrai du faux. – Voire les invisibiliser. – Oui, bien sûr, il y a ça, oui, la censure, vous en avez parlé absolument, sur Facebook, Twitter, etc. Et d'ailleurs, il y a une dérive extraordinairement inquiétante, vous en avez vous-même plusieurs fois parlé ces dernières semaines et ces derniers mois, c'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, j'ai appris ça ce matin, 80% des demandes faites par le gouvernement français, j'ai bien dit par le gouvernement français, pour obtenir de Facebook qu'il supprime des contenus, obtiennent des réponses positives. Ça porte un nom, ça s'appelle la censure. Je n'ai pas de problème, moi, avec le fait qu'on veuille lutter contre les mensonges dans l'espace public, dans le débat public. Moi, c'est quelque chose que je peux tout à fait admettre, la lutte contre la désinformation. Mais j'estime qu'il est extraordinairement dangereux que des oligopoles médiatiques s'arrogent le droit de déterminer, eux, le vrai du faux, et a fortiori qu'un gouvernement mette en place un ministère de la vérité. Enfin, c'est n'importe quoi. Le ministère de la vérité, c'est dans 1984 de George Orwell. Et donc là, on a effectivement un véritable problème, et ça va même plus loin. On peut mentionner le cas caricatural du Décodex, du Monde. C'était extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont fait une liste des médias qui étaient crédibles ou pas. Et donc, il y avait tous les médias mainstream étaient dedans, et tous les médias pas mainstream étaient considérés comme pas fiables, carrément pas fiables, ou propagandistes épouvantables. Et donc là, il y a quand même quelque chose de stupéfiant, c'est que, un, on est bien dans une église médiatique, puisqu'on vient de restaurer le système de la mise à l'index et de l'excommunication. C'est quand même extraordinaire. Et en plus de ça, on vient avec ce système-là, de mettre en place quelque chose de, à mon avis, absolument hallucinant, qui est, je m'abstrais moi-même de l'examen critique, les médias mainstream adorent ça, ils ne supportent pas l'expression d'un discours critique à leur égard, vous êtes très bien placé pour le savoir. En revanche, ils s'autorisent, ils s'arrogent le droit de dire, toi c'est vrai, toi c'est faux, quand bien même eux-mêmes accumulent la désinformation à l'antenne. Je prends un exemple, le statut des cheminots. Mmh. Voilà, présenté comme privilège, statut pas normal, etc. Bon, sauf que moi, bêtement, je suis allé me renseigner. Ils sont à peine au-dessus du salaire moyen de tous les Français. Donc déjà, premier mensonge, ils ne gagnent pas significativement plus, ils gagnent autant que les Français dans leur ensemble. Et deux, sur leur question de leur âge, de leur départ à la retraite, tout le monde est là, tu te rends compte, 50, 52 ans, désolé, leur âge réel de départ à la retraite, pas l'âge auquel ils ont le droit, l'âge réel auquel ils partent, c'est le même que celui des Français en général, c'est grosso modo 58 ans. Donc on est vraiment dans la répétition en boucle de mensonges, et le rôle central là-dedans, ce sont les éditorialistes, ou peut-être devrais-je dire les télévangélistes. Alors, pour qualifier dans le livre l'espèce de grand bond en arrière que nous vivons, hein, sur toutes oui, les c'est questions, un grand mouvement en marche arrière, absolument. Sur toutes les questions sociales, vous préférez renoncer à l'expression néolibéralisme oui. et utiliser celle de régime oligarchique. Dans la mesure où ce terme néolibéralisme fait consensus chez les économistes contemporains, voilà, qu'est-ce que vous voulez dire à travers ça ? Je conteste à l'adversaire le fait de se revendiquer libéral. Pour deux raisons. Une raison tactique, d'abord, c'est que libéral, qu'on le veuille ou non, les gens entendent liberté. Et donc, ils s'enveloppent de la défense de la liberté d'entreprendre, de la liberté de prendre des initiatives, des libertés individuelles. Ils prétendent défendre les libertés individuelles tout en mettant en place des systèmes de surveillance généralisée, aussi bien Facebook, Twitter que des programmes gouvernementaux. Et après, ils vont nous donner des leçons sur la question du respect des libertés individuelles. Mais bon, à part ça, tout va bien. Et en plus de ça, il y a une raison fondamentale, c'est que quand on s'intéresse à la pensée des pères fondateurs du libéralisme, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils sont dans une usurpation du libéralisme. Je prends deux exemples. Premier exemple, Adam Smith. Adam Smith dans La richesse des nations, que l'adversaire cite sans arrêt, mais que manifestement il n'a pas lu, mais ça c'est malheureusement courant, ils ont souvent fait Sciences Po, et donc on ne lit pas les livres qu'on cite. J'ai fait Sciences Po, donc je suis bien placé pour le savoir, j'ai le droit de vous le dire. Vous savez comment ça fonctionne. Voilà, bah oui, je sais comment ça fonctionne. On cite des bouquins qu'on n'a pas lus à Sciences Po, il y a un moment, il faut le dire aux gens pour que les gens le sachent. Et donc, au niveau d'Adam Smith dans La richesse des nations, il y a un passage dans lequel il dit « C'est scandaleux que les employeurs, je traduis en français courant, hein, s'entendent sans arrêt pour maintenir les salaires bas et qu'en même temps, quand il y a des grands mouvements ouvriers pour réclamer un meilleur salaire, eux vont se coaliser pour aller obtenir du gouvernement que ce soit dispersé par la force. » C'est pas un syndicaliste d'Air France qui dit ça après un arrachage de chemise. C'est Adam Smith dans La richesse des nations. Donc, prétendre qu'Adam Smith aurait postulé la mise en place de la loi de la jungle en version économique parce que finalement tout ira bien, c'est un mensonge, et la meilleure preuve de ça, c'est la relecture de ses travaux par Amartya Sen, qui est quand même prix Nobel d'économie, excusez du peu, même s'il y a des mauvais prix Nobel d'économie. Ouais. Mais quand on même. Pourrait discuter. Ça, je suis d'accord, oui, bien sûr. Mais Amartya Sen, pour le coup, il a fait un truc de dingue pour montrer qu'Adam Smith n'est pas le partisan de la privatisation de tout, d'un truc sauvage, et qu'au contraire, il défend un rôle social de l'État, notamment sur la lutte contre la pauvreté, sur les infrastructures, sur l'éducation. Il a fait un truc dingue à Amartya Sen pour commenter Adam Smith. Il l'a lu. Après, il y a un deuxième exemple qui est Léon Valras. Léon Valras, la plupart des gens n'en ont pas entendu parler, c'est le papa de la théorie de la concurrence pure et parfaite. C'est un économiste du 19e siècle. Et lui, il vous dit il faut mettre en place une concurrence entre acteurs privés parce que ça fera la meilleure qualité au prix les plus bas et le consommateur est gagnant. C'est l'argument utilisé en boucle dès qu'on vous dit qu'on va privatiser des services publics en France, notamment sous l'égide de la Commission européenne et de traités européens qui rendent ça obligatoire. Bien. Sauf que Léon Valras, le même, il dit dans un autre bouquin, dans un bouquin qui s'appelle « L'État et le chemin de fer », il vous dit « Attention quand même, il y a un cas où ça marche pas, c'est tous les domaines dans lesquels un seul réseau d'exploitation, c'est plus rationnel que deux. Mmh. Et donc, il vous dit, dans la situation d'aujourd'hui, il vous dit, donc, dans ces cas-là, il faut un monopole d'État. Il écrit ça noir sur blanc. Il faut un monopole d'État. Et donc, ça marche avec quoi? Ça marche avec le rail, les routes, l'électricité, les mines, l'eau, etc. Qu'est-ce qu'on privatise en priorité dans cette grande partie de Monopoly? Vous savez, au Monopoly, pour gagner, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choper le plus vite possible les gares, la compagnie d'électricité, la compagnie d'eau. Hein. Vous m'expliquerez là, un jour les règles du Monopoly. Les véritables stratégies. Ah bah oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais il faut vraiment choper les situations de rente. C'est ça la règle du Monopoly. Et nous sommes en train de subir une partie de Monopoly grandeur nature en France. Oui, j'y joue beaucoup. Le problème, c'est que nous avons des oligarques qui sont en train de faire une partie de Monopoly avec nos services publics. C'est ça qui est en train de se produire. Et donc, ils sont en train d'invoquer une théorie dont le père dit que ce à quoi elle est appliquée pour les privatiser, c'est un cas où il ne faut pas le faire et où il faut un monopole d'État. Donc, on est dans l'usurpation, on est dans l'escroquerie, et donc ce ne sont pas les libéraux. Et comme par ailleurs, ils veulent revenir à des situations de protection sociale, de droits sociaux, de recul de services publics qui, et, ou de conditions dans le Code du travail qui reviennent systématiquement à la première moitié du XXe siècle, voire au XIXe, c'est pas libéral, mais c'est pas néo non plus. Donc, je récuse ce terme-là. Et donc, puisque c'est simplement un projet politique de gouvernement de la cité au bénéfice d'une toute petite minorité de la population et au détriment de la grande majorité, c'est ce qu'Aristote appelle l'oligarchie. Et donc, ce n'est pas le néolibéralisme, c'est l'oligarchisme. Alors, pourquoi est-ce que les gens, à votre avis, Thomas Guinollet, sont si assommés? Pourquoi est-ce que les étudiants, par exemple, pourquoi est-ce que la jeunesse ne se révolte pas contre la sélection en train d'être instituée à l'université, alors qu'il y a eu de très grandes révoltes étudiantes sur des sujets de ce type? Non, mais pourquoi est-ce que la destruction de l'hôpital, pourquoi est-ce que la destruction du chemin de fer? Vous n'avez pas écouté, Aude, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative, et puisqu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'alternative. Fin de la discussion. Et puis par ailleurs, il faut aussi se rappeler que, certes, la bataille des idées, ça n'est pas tout, mais l'état du débat politique et surtout même intellectuel et idéologique et médiatique forge les limites du possible et de l'impossible dans l'imaginaire collectif de la population. C'est en cela que c'est absolument fondamental. Et donc, pour les jeunes générations d'aujourd'hui, le champ des possibles dans leur représentation mentale est beaucoup plus restreint finalement que ce qu'on pouvait imaginer dans les années 80 ou dans les années 70. La rupture avec le système est déjà en cours chez les jeunes générations par les urnes. Ça, c'est un constat. Avec deux ruptures. Une rupture xénophobe et raciste, malheureusement, qui est celle du Front National, et une rupture d'alternative au système qu'on pourrait qualifier, pour résumer, même si c'est plus complexe, d'altermondialiste, qui était le vote pour Mélenchon. On observe ces choses-là, à des degrés divers, dans énormément de pays, en réalité. C'est le phénomène Corbyn au Royaume-Uni, c'est Podemos en Espagne, c'est un certain nombre de mouvements altermondialistes en Amérique du Sud, c'est Sanders aux États-Unis, etc., etc. Et aussi le versant du rejet d'extrême droite qui se manifeste dans quasiment toute l'Europe orientale et qui s'est manifesté aussi aux États-Unis avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Donc la rupture avec le système par les urnes, elle est déjà présente chez les jeunes générations et pas que d'ailleurs chez les jeunes générations. Puisque par exemple, en France, quand vous examinez le vote pour Emmanuel Macron, il est massivement d'une classe, qui est les classes moyennes supérieures, qui ont massivement voté pour Emmanuel Macron. Avec ceci dit, la version vieille de cet électorat a voté Fillon, pour le coup, massivement. – Les seniors ont beaucoup voté Macron. – Oui, je dis juste que la porte d'entrée pour comprendre sociologiquement le vote pour Emmanuel Macron, c'est un séparatisme social des classes moyennes supérieures de la population qui ont décidé de faire sécession par rapport aux autres, c'est-à-dire démerdez-vous. On a décidé que dorénavant, vous qui êtes en position sociale plus basse que la nôtre, il va y être plus facile de vous virer et vos aides sociales, on va les baisser et on refuse de payer autant pour la solidarité avec les autres. Nous faisons sécession. Le communautarisme le plus destructeur à l'heure actuelle, c'est pas le communautarisme de je ne sais quelle religion, c'est le séparatisme social des classes moyennes supérieures qui ont décidé, les élites, au sens sociologique et au sens des revenus, ont décidé de s'organiser contre le reste de la population. C'est ça qui est en train de se produire. Et donc, là où c'est intéressant dans le cas du vote pour Mélenchon, c'est que c'est un vote où, quasiment, à part ce bloc, quasiment toutes les classes sociales sont représentées plus ou moins fortement, mais c'est un électorat très transclasse, si vous voulez, en termes d'analyse sociologique. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'il y a une diffusion de l'idée qu'il faut changer de système au-delà des classes populaires, c'est-à-dire que c'est en train de prendre aussi dans les classes moyennes. Après, si votre question c'est pourquoi les jeunes et les étudiants ne sont pas dans la rue, ou même d'ailleurs d'autres catégories pendant les ordonnances, il y a l'idée, je pense, que pendant des années, la notion même de grève et de manifestation... Mmh. D'abord, les manifestations des dernières années n'ont servi à rien, parce que comme il n'y avait pas de grève, il n'y avait pas de blocage de l'économie, et donc le gouvernement est passé quand même. Et donc, pour les gens qui veulent des mobilisations sociales, je leur dis, pour qu'ils entendent, s'il n'y a pas en même temps une grève de blocage de l'économie, vous êtes en train de gaspiller de l'énergie pour rien. Il faut une grève de blocage de l'économie si vous voulez battre le système par la rue. C'est la leçon de mai 68. Alors ça, c'est un point sur lequel vous insistez énormément dans votre livre, c'est sur le caractère décisif de la grève. Absolument, oui. Et c'est sans doute une des raisons véritables de l'échec du mouvement anti-loi de travail de 2016. Oui, il n'y a pas eu de grève de blocage de l'économie, et c'était ça le point faible du dispositif, parce que les leçons de l'histoire du XXe siècle, pas celles... En même temps, les syndicats ne se sont pas sentis assez forts pour en déclencher une. Alors, ça c'est un mystère pour moi. Non pas le fait que les syndicats ne se soient peut-être pas sentis forts, mais le fait qu'ils aient fait quelque chose qui, à ma connaissance, est un facteur d'échec garanti d'un mouvement syndical, c'est-à-dire ils ont donné des dates de mobilisation, catégorie par catégorie, tel jour c'est les routiers, tel jour c'est les ceci, tel jour c'est les cela, alors que normalement ce qui marche, c'est à telle date on débraye tous. C'est ça qui marche. Et donc le fait d'avoir fait une mobilisation où ils ont eux-mêmes organisé le fait d'être dispersés, je ne comprends pas cette erreur. Je vous le dis en toute candeur, je ne comprends pas parce que c'est de l'auto-sabotage. Et donc, quand vous regardez les leçons de l'histoire, tenez, un exemple, on va fêter bientôt les 50 ans de mai 68, il y a une relecture... Discrètement. Oui, bien sûr, discrètement, mais le peu qu'on en parle dans l'église médiatique actuelle. Quand on va au sermon, les sermons de tel ou tel télévangéliste, essayiste de cours, qu'est-ce qu'on a comme récit de mai 68? On nous raconte, mai 68, c'était une révolution des mœurs par des étudiants petits bourgeois qui avaient envie de pouvoir baiser en toute liberté et de pouvoir fumer des joints et de pouvoir devenir des hippies. Et c'était une révolution du consumérisme et de l'individualisme par rapport au carcan de la société bourgeoise conservatrice d'avant. On nous raconte ça. Et donc, on passe complètement à l'as, quelque chose de secondaire sans doute. En mai 68, il y a eu une grève générale. En mai 68, il y a eu une grève générale qui a paralysé totalement l'économie pendant quelques semaines. Et ça a donné quoi? Ça a donné la conquête de grandes libertés syndicales qu'on n'avait pas avant et une augmentation spectaculaire des salaires. Parce que c'est ça la leçon de mai 68. Le mai 68 de la grande grève a mis le gouvernement, et c'était De Gaulle, c'était pas n'importe qui, a mis le gouvernement à genoux. Mais c'est aussi la leçon de mai 68. Quand la grève a gagné l'épreuve de force et a obtenu des conquêtes sociales, derrière, il y a eu des élections anticipées. Et là, les mouvements d'alternative au système ont perdu parce qu'ils n'étaient pas dans une stratégie de longue haleine de construction d'un grand mouvement politique cohérent et ancré dans les luttes sociales sur le fait de changer de système. Et donc, il faut avoir trois fronts en même temps. Il y a le front de la bataille des idées dans l'espace public, et donc c'est une bataille médiatique. C'est très important. À la fois dans des médias dissidents, le média ici où je me trouve est un exemple, il y a aussi le monde diplomatique, il y a aussi Alternative économique, il y en a aussi quelques autres. C'est fondamental que ça existe, ça. Il y a le fait d'aller, et il faut pas l'oublier, ça. C'est un des accords que j'ai, par exemple, avec quelqu'un comme Serge Halimi du monde diplomatique. C'est que il faut continuer à aller, même si on se sent sale, il faut continuer à aller dans... Rassurez-nous, pas aux médias. Il faut continuer, bien sûr que non. Il est très important de continuer à aller dans les médias dominants pour faire entendre une parole dissonante, parce que sinon, on a l'impression, à tort, qu'elle n'existe plus. Donc, il y a un front médiatique à tenir. Il y a un front social, et ça, les manifestations, c'est bien, mais l'indispensable, ce sont les grèves de blocage. Et puis il y a un front politique qui est de faire la révolution par les urnes. C'est-à-dire une révolution pacifique, de changement du système, mais il faut faire attention à changer le système dans ses fondamentaux, parce que vous pouvez gagner toutes les élections que vous voulez. Si vous ne modifiez pas sérieusement la répartition des richesses, et si vous ne modifiez pas sérieusement la propriété des choses, le rapport même à la propriété dans la société, comme les fondamentaux du système d'injustice seront restés en place, le coup d'après, ils vont revenir et ils vont défoncer tout ce que vous en refait. C'est la grande leçon de 1981. Et donc, il faut à un moment se tenir prêt à résoudre cette question. Comment voulez-vous avoir un système véritablement démocratique et équitable envers la grande majorité de la population si nous ne sommes pas en démocratie dans la vie économique ? Alors, vous parliez de grands mouvements ancrés dans les luttes sociales qui avaient manqué en mai 68. Vous-même, Thomas Guénolé, vous avez rejoint un grand mouvement politique l'été dernier. Tout à fait, oui. En août 2017, et la France Insoumise. Oui, vous étiez dans la salle. J'ai assisté donc, à ce coming out. Oui, politique. Politique. Et entre-temps, vous avez même pris des responsabilités au sein du mouvement, puisque vous êtes l'un Je les ai prises, ils me les ont données, mais oui. Vous êtes l'un des responsables de l'école de formation de la France insoumise, qui se veut, en quelque sorte, si j'ai bien compris, une sorte d'école d'autodéfense, justement, contre la propagande ambiante. Alors, c'est exactement ça, oui. C'est très bien défini, c'est tout à fait ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous leur dites à ces étudiants militants ? Il y a une double vocation de l'école, c'est que, d'une part, c'est une école de formation politique des militants. Donc les militants assistent au cours, après ils sont capables de réfléchir et de débattre et de savoir pourquoi ils agissent précisément sur tel et tel thème de la situation politique actuelle. Ça c'est le premier objectif, donc c'est une école de formation politique des militants. Et c'est aussi une université populaire. C'est-à-dire qu'on adopte délibérément un format totalement ouvert où tout le monde peut accéder à nos contenus grâce à Internet, parce que notre idée c'est que notre analyse, notre lecture, à la fois de ce que dit et fait l'adversaire et de ce que nous proposons de faire, si c'est nous qui prenons le pouvoir en France par les urnes, ça permet de donner une formation politique alternative à tout un public qui n'est pas forcément France Insoumise, mais que ça intéresse d'avoir un regard différent dans un contexte d'église médiatique avec dès que vous pensez autre chose, vous êtes hérétique. Donc nous sommes effectivement à la fois une résistance, une dissidence et une alternative dans l'ordre de la réflexion et même de l'information. Certains pensent, ce sera ma dernière question, que nous sommes à la veille d'un grand mouvement social. Je ne peux pas ne pas vous poser cette question. Qu'est-ce que vous sentez ? Moi, ce que j'en pense, c'est que si vous regardez l'évolution historique de nos luttes, le camp qui veut changer de système pour quelque chose qui soit humaniste, équitable, démocratique, écologiste et social, et non pas tout le contraire. Bon, si on regarde la perspective, d'abord, le plus souvent, on perd. Il faut le dire aux gens qui sont démotivés en disant... historiquement, vous prenez un républicain au XIXe siècle, j'en parle dans le livre, c'est dans l'épilogue, ça. Les républicains au XIXe siècle, ça va vous sembler familier. Dès qu'ils essayent de parler, on leur dit « mais attendez, la terreur, la guillotine, limite, vous vous désolidarisez de la guillotine ?» Bon, voilà. Et donc, ils sont diabolisés en permanence, ils sont marginalisés dans le débat public, et ils n'arrêtent pas de perdre. Et puis, ils finissent par gagner une première fois en 1848, ils n'ont que quelques mois au pouvoir. Et pourtant, ils font des progrès sociaux absolument spectaculaires, notamment la création des ateliers nationaux, ou des réformes très audacieuses par rapport à la peine de mort, ou des choses comme ça, ou la démocratisation massive, alors que masculine, mais démocratisation massive quand même partielle. Et puis, plus tard, vous avez une deuxième victoire qui va être l'instauration de la Troisième République. Alors, c'est incomplet, certes, mais le régime républicain est instauré. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant à peu près trois quarts de siècle, les républicains n'ont pas arrêté de perdre. Et donc l'idée, c'est qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire. Parce que notre camp, le camp humaniste, le camp écologiste, le camp véritablement démocratique, pas la démocratie formelle, pas vote tous les 5 ans et ensuite ta gueule, la vraie démocratie, c'est-à-dire l'émancipation du peuple, c'est lui qui décide contre les élites incompétentes et non pas les élites qui décident contre le peuple. Voilà, c'est ça quand même l'objectif. On n'arrête pas de perdre en temps normal et de temps en temps... On gagne, mais quand on gagne, on refait complètement le... Ce n'est pas qu'on change la déco, contrairement aux autres, on change complètement la maison. C'est arrivé plusieurs fois. 1981, certes, il y a eu des reculades ensuite, mais il y a une phase qui dure un peu plus d'un an, durant laquelle il y a des conquêtes absolument spectaculaires et prodigieuses. Le Front populaire, pareil. Et donc, pour moi, ce qu'il faut garder à l'esprit, pareil, les grandes grèves. Grande grève de 1920, journée de 8 heures. Grande grève de 1936, les congés payés et beaucoup d'autres conquêtes. Mai 68, j'en parlais tout à l'heure. Les grandes grèves de 1995, ça arrête le grand plan d'austérité Juppé qui allait nous défoncer sur, entre autres, notamment nos allocations familiales à tous, c'est-à-dire que les cheminots se sont battus pour nous tous à l'époque, hein, petite parenthèse. Et donc, quand vous mettez tout ça bout à bout, vous vous dites que on ne sait pas quand le grand mouvement va surgir, on ne sait pas quand il va gagner, quand il surgit. Il faut simplement être comme les scouts, toujours prêt. C'est-à-dire que le changement de système, par la grève ou par les urnes, ça peut être dans 20 ans, ça peut être dans 5 ans, ça peut être demain soir. Restons patients mais combatifs. C'est exactement ça. Merci beaucoup Thomas Guénolé. Je vous en prie. Je rappelle le titre du livre de notre invité du jour, Antisocial aux éditions Plomb, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel Entretien Libre.